could I be the one you love? Could I be the one you love? In the morning, in the night, I'll be there to treat you right. J'ai déjà rêvé qu'on m'écoutait, rêvé que je touchais le top. Rêver d'avoir douté sans jamais louper le coche. Au ciel étaient des proches qui m'ont donné leur lumière. Pour dire merci à toujours leur nom dans toutes mes prières. J'avais confiance en moi que quand j'étais sur la scène. Le cœur en petits morceaux quand il veut qu'on s'appelle. Rêver d'avoir enfin trouvé ce bonheur qui m'apaise. Je me rappelle que selon mes choix électriques et la chaise. Et non, je peux plus les écouter. Dans le fond, je suis dégoûté. J'ai pris de l'âge bien avant chaque bougie que j'ai pu souffler. Je peux plus marcher avec ceux qui me disent qu'ils ont tout fait. J'ai compris que dans le sens de la vie, rien n'est parfait. Et non, je peux plus les écouter. Dans le fond, je suis dégoûté. J'ai pris de l'âge bien avant chaque bougie que j'ai pu souffler. Je peux plus marcher avec ceux qui me disent qu'ils ont tout fait. J'ai compris que dans le sens de la vie, rien n'est parfait. Si demain tu t'écartes, regarde cette lumière dans le noir. Ne perds jamais ta voix. Ne perds jamais ta voix. Si demain tu t'écartes, regarde cette lumière dans le noir. Ne perds jamais ta voix. Ne perds jamais ta voix. Faut que tu m'écoutes. C'est quand c'est sombre que le chemin au bout s'éclaire. Des inconnus ou bien des proches qui vont t'empêcher de le faire. Des choix de vie compliqués qui peuvent te faire perdre des frères. Mais si la vie te les éloigne, c'est que c'était pas vraiment des frères. Prends des risques, pas de hasard, tout est écrit. Et si la vie te m'aider, gifle en plein visage. Faut que tu vois ça comme un défi. On n'est que de passage, poursuis tes rêves sans te soucier de ce qui te fait peur. Sache qu'une victoire n'est pas la bonne si t'as pas fait quelques erreurs. Et non, je peux plus les écouter. Dans le fond, je suis dégoûté. J'ai pris de l'âge bien avant chaque bougie que j'ai pu souffler. Je peux plus marcher avec ceux qui me disent qu'ils ont tout fait. J'ai compris que dans le sens de la vie, rien n'est parfait. Si demain tu t'écartes, regarde cette lumière.